C'est bon. OK, fait que on est en train de poursuivre une étude qui porte le titre de si mon Église est une communauté. On est en train de parler de la communauté. Sandy nous a déjà apporté une réflexion sur la communauté. La semaine dernière, quand Christian est venu, même si je ne lui avais pas demandé de parler sur la communauté, il parlait sur la grâce, hein? Mais j'ai écouté sur le blog, j'ai écouté la réflexion de Christian, et je trouvais que son propos était vraiment en lien avec ce dont on parle, sur le sujet de la communauté. C'était bien. Fait qu'on continue sur ce thème-là de la communauté. Parce qu'on on ressent le besoin, pas seulement moi, mais je pense plusieurs personnes dans la communauté le ressentent. Puis, on a besoin de resserrer les liens, on a besoin de se reprendre en main et puis d'aller plus loin. Parce qu'on veut s'engager dans le projet de Dieu pour notre quartier. On veut s'engager dans le projet de Dieu pour nos vies aussi. Fait que on regarde ensemble notre place dans cette communauté-là. Puis qu'est-ce que la communauté? Fait que on est en train de voir les quatre définitions. Hein? À partir du psaume 133, lorsque David dit « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme l'arrosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alors, on est en train de voir, premièrement, quatre définitions que David donne de la communauté. La première, on a déjà vu la première définition, qui était que la communauté spirituelle est bonne et agréable. Elle est bonne, la communauté, puis elle est agréable. On a parlé d'un agrément. On a même parlé on a même partagé sur des moments jouissifs de la communauté. Vous vous souvenez? Hein? À tel moment qu'on a vraiment pu dire « j'ai joui ». Hein? Il y a des moments où on a pu dire « j'ai joui de la communauté ». Alors, la communauté est bonne, elle est un agrément, mais par contre, je résiste à l'appel à la communauté parce que par nature, je tends à l'isolement. Hein? C'est notre nature de s'isoler au lieu de chercher la communauté. Deuxièmement, nous avons vu, il y a deux semaines, que la communauté spirituelle est une expérience fraternelle. On a dit que la communauté était un... Continue. Un time-out. OK? Que c'est un espace de pleine acceptation. On vient, on appartient à une communauté, puis lorsqu'on vient ensemble, c'est un time-out. On s'accepte, on s'accueille les uns les autres. D'ailleurs, on a emphasé, je ne l'ai pas inscrit ce matin sur le PowerPoint, mais on a emphasé que entre vous et moi, il y a, entre toi et moi, Daniel, il y a qui? Il y a le Christ. Hein? Il y a le Christ qui se trouve entre nous. Et on ne doit jamais s'interposer entre une personne et le Christ. C'est pas vous, moi et le Christ. Entre vous et moi, il y a le Christ. Point à la ligne. Vous avez à répondre au Christ et non pas répondre à moi. Donc, c'est pourquoi qu'on a emphasé le fait que la communauté est un time-out. Pendant un time-out, les buts, ça compte plus. Hein? Les buts, ça compte pas. C'est un time-out. Ce matin, on va aller un peu plus loin. Oui, c'est vrai, parce qu'on a dit que la communauté chrétienne inclut les frères et sœurs, mais je suis tenté de les rejeter en raison de leur imperfection. Ce matin, on va plus loin. On regarde la troisième définition que David donne à la communauté. David va dire que la communauté spirituelle, c'est d'habiter ensemble. Littéralement, il dit, c'est vivant unis ensemble. Ça, c'est littéralement, là. Du grec au français. C'est vivant unis ensemble. J'aime bien la version de la Bible en français courant, lorsqu'ils vont traduire « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. » J'ai une question pour vous. Selon vous, l'expression « vivant unis ensemble » ou « être ensemble » insinue quelle caractéristique, attribut, propriété ou qualité? Qu'est-ce que, d'après vous, quel attribut, qu'est-ce que l'expression « vivre unis ensemble », « être ensemble », qu'est-ce que ça évoque chez vous comme caractéristique? Ça insinue quoi? Martin? Le partage des bonnes et moins bonnes choses, dit Martin. Michel? Ça demande de l'amour. Ça demande de l'amour. Inconditionnel. Inconditionnel, OK. Sandy? C'est dynamique. On ne s'assoit pas et on se tient la main. Mais on vit, on chemine ensemble. OK. Sandy dit que c'est dynamique, c'est pas hein, passif. C'est dynamique. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le terme « vivant unis ensemble » ou « être ensemble ». D'autres personnes? Michel? Unis, ça veut dire faire un. Faire un? OK. Je vais vous suggérer que « être ensemble » sous-entend la proximité ou la permanence physique, l'identité collective dans un endroit de vie commune. Ce matin, on va célébrer un mariage à la fin du culte. Dans la loi de la province, je vais d'ailleurs le citer tantôt lorsque je vais les marier, mais dans la loi de la province de Québec, dans ses directives, le directeur de l'État civil nous demande de déclarer aux mariés, de leur dire qu'ils ont l'obligation de faire vie commune, comme si ce n'était pas déjà un sous-entendu, comme si deux personnes se mariaient pour vivre séparément. Mais le directeur de l'État civil nous demande de le dire aux mariés que s'ils se marient, ils sont tenus de faire vie commune. Là, comme je vous suggère, et c'est ce que David, David dit, qu'il est doux, est agréable pour des frères d'être ensemble, il suggère qu'il y a une certaine vie que nous mettons en commun. Il y a une communauté, il y a une proximité, il y a une permanence. Je dirais que l'Église, ou la communauté, parce que les mots Église, communauté, c'est interchangeable dans mon vocabulaire à moi. Que lorsque je dis communauté chrétienne, je ne fais que d'utiliser une expression plus contemporaine que Église, parce que parfois le mot Église, ça évoque certaines images que les gens peuvent. Les rebuter. Donc j'utilise le terme communauté chrétienne. Alors, l'Église ou la communauté chrétienne n'est pas comme un hôtel ou un motel, où on s'enregistre pour une nuit, ou simplement pour un mois, ou deux, puis repartir, puis errer à l'aventure, aller dans un autre motel. Alors, lorsque je pense à la communauté, la communauté n'est pas un motel ou un hôtel. Il y a une proximité, il y a une permanence. Je ne suis pas en train de dire, quand je parle de la permanence, je ne suis pas en train de dire qu'une fois que nous adhérons à une communauté, qu'on est pris là pour la vie. Je suis en train de dire, et je le dis souvent à des gens, il y a parfois des gens que je rencontre qui ont décroché de la communauté, des gens qui, je vais les rencontrer, puis ils ne sont pas contents de la communauté où ils sont. Puis je vais simplement leur dire, c'est important que tu trouves ta famille spirituelle. Puis une fois que tu l'as trouvé, cette famille spirituelle, ben essaie d'y rester. Tu sais? À moins que ça devienne intenable ou pour x, y raison. Mais trouve ta famille spirituelle. Investis-toi. Identifie-toi. Parce que dans la communauté, là, si on parle de communauté, je pense aussi cet aspect d'appartenance. J'appartiens. C'est ma communauté. Il y a une identification. Je m'identifie. Je n'ai pas peur de dire, ben, c'est ma communauté. Parfois, je peux ne pas aimer le nom tel pas. Yo! Hein? On peut ne pas aimer le nom. Mais quand on pense à la communauté, on pense à s'identifier à cette communauté-là, dire c'est ma communauté. Puis je pense que le conseil de l'Église, puis la façon dont le parcours de cette communauté, on essaie d'être inclusif dans pour que toutes les membres se sentent à l'aise, qui participent. Il y a une appropriation. On s'approprie la communauté. Je pense justement, lorsque je méditais, que je préparais ce partage pour ce matin, je pensais à des amis. Et puis, j'ai un couple d'amis très intimes qui sont déménagés en Estrie. Et puis, j'ai d'autres amis qui demeurent aussi en Estrie, les parents de Heidi. Alors, j'ai essayé de faire le pont entre mes amis qui sont déménagés de Saint-Jérôme en Estrie. J'ai essayé de faire le pont entre eux et puis mes amis à Granby. Parce que c'est des bons amis, puis je ne veux pas les garder juste pour moi. Je veux les partager avec d'autres amis. Fait que j'ai organisé un souper. On a fait aussi la route des vins. En 2008, et puis pour les introduire l'un à l'autre. Puis, au début, ça ne cliquait pas. Ça n'a pas cliqué. Ça fait qu'à un moment donné, l'autre couple les a invités, puis encore là, ça ne cliquait pas trop. À un moment donné, ils se sont revus durant le cours de l'été, et puis... À un moment donné, quand j'ai célébré le mariage du fils de ce couple d'amis qui venait de Saint-Jérôme, Philippe, et puis là, mes amis de Granby est venu me voir, puis m'a dit, parce qu'ils avaient été invités au mariage, puis elle m'a dit, ce ne sont plus seulement tes amis, ce sont aussi nos amis. Puis là, elle m'a dit, bon, ça ne cliquait pas au début, là, mais on s'est trouvé des atomes crochus, et maintenant ce sont mes amis aussi. C'est plus seulement les tiens, c'est aussi les nôtres. Il y a une appropriation de la communauté. On s'approprie cette communauté-là. Les Écritures témoignent abondamment du besoin fondamental d'établir et d'être en relation physiquement et matériellement avec d'autres membres de la famille de la foi. On notera pas ça à la Genèse. La création n'était pas complète juste à ce que Dieu donne à Adam, Ève, pour que ce soit le début d'une communauté. On pense à Jésus avec les 12 disciples qui formaient une communauté. Ils étaient toujours ensemble. Jésus a choisi 12 personnes pour être, et le texte le dit ça, le texte des Écritures, il les a choisis pour qu'ils soient toujours avec lui. Enfin, il y avait une proximité, il y avait une permanence physique, ils n'étaient pas juste de passage. Il y avait une permanence. Dans Actes 2, par exemple, ce passage indique que quand l'Église a été constituée par l'Esprit de Dieu, il y avait 120 personnes toutes ensemble. Encore là, là, il y avait cette proximité les uns avec les autres. Hébreux 10, hein, qui est un passage qu'on connaît, qui a été cité si souvent. Mais qui est là quand même. Qui est là quand même. Quand Paul va dire, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Il y a cette exhortation de Paul, de dire, ne négligez pas votre assemblée. Pas seulement parce qu'on peut en avoir de besoin, mais aussi parce que d'autres aussi en ont de besoin. On va revenir là-dessus. Alors pourquoi je me sens isolé? Au lieu d'éprouver cet ensemble physique et permanent, la plénitude. Quand je parle de plénitude, c'est que je forme un tout avec les autres. Moi, à moi seul, je ne suis pas de tout. À toi seul, Daniel, tu n'es pas de tout. Hein? On est une partie. On est une partie d'un ensemble. Et c'est là si on se réunit ensemble, pas seulement le dimanche matin, mais c'est plus loin que ça. Mais qu'il y a cette appartenance, cette appropriation de la communauté que nous formons. Et puis, mais la question se pose, pourquoi? Pourquoi je me sens isolé au lieu d'éprouver cet ensemble? Continue Daniel, s'il te plaît. Alors, voici trois raisons, entre plusieurs, qu'on va suggérer. Un, on va aller vitement, rapidement, parce qu'on veut, à 11h30, hein, procéder avec le mariage. En fait, premièrement, je me sens isolé parce que je spiritualise mon identité avec vous. L'Église est spirituelle. On spiritualise ça, hein, c'est. J'imagine notre unité en Christ, mais on se frotte rarement ensemble. Dans combien de communautés c'est comme ça, hein? Dimanche matin, on vient rapidement, on sort rapidement. La communauté, c'est plus que ça. Je peux ne pas vouloir que mon nom soit énuméré dans le répertoire téléphonique parce que vous pourriez envahir mon intimité. Je veux pas que personne m'appelle. Je viens dimanche matin, c'est tout. C'est pas ça la communauté. C'est la religiosité peut-être, mais pas la communauté. Je me définis d'une façon ou d'une autre comme un visiteur permanent, toujours évaluant, faisant de la reconnaissance, étudiant cet endroit, mais sans me commettre physiquement et matériellement. Et j'insiste sur le mot matériel. Physiquement et matériellement à vous comme des personnes de chair et de sang. Avec mon temps, ma présence, ma participation, mon argent. Je m'implique, je m'engage. Je m'approprie cette communauté-là. Nous disons que c'est notre communion spirituelle qui importe vraiment plus. Pas la participation physique et matérielle. La communauté chrétienne en phase, la relation permanente physique et matérielle, mais je suis tenté de spiritualiser. Deuxième raison, pourquoi on peut ne pas vivre cet ensemble. Je me sens isolé parce que je suis sélectif dans mes rapports. Je peux choisir de m'identifier à seulement une partie de vous, avec un clan ou une tribu, hein, pour parler dans les termes d'Israël. Ben, ça se faisait aussi dans le... lorsque David parle de la communauté, il parle d'Israël, mais ça se faisait. Certaines communautés avaient plus d'atomes crochus avec les uns qu'avec d'autres. Hein, on l'a déjà vu, ça. Je vais être sélectif dans ma communion fraternelle. Je vais communier avec certains, mais pas avec d'autres. J'habiterai ensemble, dans l'unité, Avais-tu de la même position socio-économique? Ou bien donc des mêmes sensibilités ou persuasions politiques? J'ajouterais même théologiques parfois. Hein? On n'est pas sur la même longueur d'onde théologiquement. Hein? Par rapport à l'enlèvement ou la fin du monde, whatever, je ne te parle plus. Hein? On est sélectif là, aussi. Là. Alors, je vais habiter ensemble dans l'unité avec certaines personnes, certains groupes, ou des gens qui sont dans la même saison de vie, ou avec les gens qui ont le même problème que le mien. Ça se voit, ça. Et je dirais peut-être même dans cette communauté, je le vois. Je le perçois parfois. Hein? Les gens qui ont le même problème. Alors, il faut élargir. Il faut être en communion avec tous. Maintenant, toutes ces différences et tous ces rapports existent et sont légitimes, mais ne définissent pas la communauté. Hein? On ne peut pas dire que ça n'existe pas de différence. Socio-économique, le problème de l'un, le problème de l'autre, ça existe. Puis on peut avoir des affinités, des atomes de crochet avec certains, mais on ne doit pas se limiter à. Il faut aller au-delà de, pour englober tout le monde. Peu importe le problème qu'une personne peut avoir, hein? On se doit de rentrer en relation avec eux. Ces genres de rapports considèrent la communauté exclusivement en raison des intérêts communs ou de l'expérience, plutôt qu'inclusivement en raison de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il y a une belle citation que j'aime d'Altrich Bonhoeffer. Ok, continue. J'avais oublié de te dire d'avancer tantôt. D'Altrich Bonhoeffer. Tu vas dire... On a déjà parlé de Dietrich Bonhoeffer, qui durant la Deuxième Guerre mondiale avait formé un genre d'école biblique où il vivait avec 25 personnes qu'il préparait à être des pasteurs. Et puis, parce que le but était, parce qu'il y avait toujours cette contrainte dans l'Allemagne de Hitler, où tu avais l'Église populaire, puis tu avais l'Église confessante, ceux qui résistaient au système. Et Dietrich Bonhoeffer faisait partie donc de l'Église confessante qui ne s'alliait pas avec le pouvoir, hein, en place. Donc, il préparait des jeunes à prendre la relève dans l'Église luthérienne, dans l'Église confessante. Donc, ils vivaient ensemble, 25 personnes. Et il a écrit le livre, c'est quoi le titre exactement, de la communauté. Je pense de la vie communautaire, c'est ça. Donc, voilà la citation qu'il fait. « Mon frère dans l'Église, ce n'est pas tel brave homme, pieux, assoiffé de fraternité, mais bien l'homme que Jésus-Christ a sauvé. Libéré de son péché et appelé comme moi à croire cette bonne nouvelle et à vivre éternellement. » Je mets là, hein, j'ai grossi le caractère. Ce qui est décisif ici, ce qui fonde vraiment notre communauté, ce n'est pas parce que nous pouvons être en nous-mêmes, ce que nous pouvons être en nous-mêmes ou avec toute notre vie intérieure et toute notre piété, mais c'est ce que nous sommes par la puissance du Christ. Ma communion avec vous ne repose pas sur le caractère de ma vie intérieure, de ma piété. Lui, il n'est pas... Hein, j'ai entendu ça, hein, on entend. Hein, j'ai un parcours derrière moi. Et j'ai entendu. Lui, il n'est pas assez spirituel pour moi. Hein? Sa piété ne convient pas à ma piété. Hein? Mais ce qui est décisif, c'est pas ça. C'est pas... ta piété, ta vie intérieure, mais la communauté est formée autour d'une personne, autour de notre relation avec le Christ. La communauté chrétienne enfonce la relation permanente, physique et matérielle, mais je suis tenté d'être égoïstement sélectif et exclusif. J'accepte pas tout le monde. Troisième. Trois raisons à l'isolement. Je me sens isolé parce que notre communion est centrée sur le programme de l'Église au lieu d'être centrée sur les relations. Je vais citer un autre auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « De la vie dans son corps » par David Fennell. Maintenant, David Fennell écrit ce livre dans la perspective d'un mouvement qu'on appelle les églises cellules, les églises maisons. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait devenir des églises maisons ou cellules. Quoique Cindy a mis l'emphase, là, c'est d'apporter son partage sur les petits groupes, hein? Les relations dans les petits groupes, comment c'est important. En fait, ce que Fennell fait ressortir, c'est le côté relationnel de la communauté. Que parfois, dans une grande communauté, puis la nôtre n'est pas grande, hein? On en convient, hein? Un visiteur est venu, peut-être un an de ça, un ami à moi était venu avec sa femme, puis avait dit, vous êtes une grande cellule. Mais c'est ça, on est une grande cellule. Pas de problème. Hein? C'est pas le nombre. All right? Mais, dont on n'est pas un grand nombre. Mais finalement, il va contraster la dynamique d'une église qui est centré sur les programmes, ce qui n'est pas notre cas, mais quand même, c'est une mise en garde, puis j'aime bien le contraste qu'il fait. En relevant ce qu'est le caractère de la communauté. Alors, quand je dis « je me sens isolé parce que notre communion est centrée sur les programmes de l'Église au lieu d'être centrée sur les relations », alors lui va dire « une église traditionnelle est centrée sur son programme. L'église a beaucoup d'activités et de réunions. Il y a des petites églises qui sont comme ça aussi, hein? Ça ne prend pas juste les grandes églises. Il y a des petites églises qui ont leur programme. Les programmes visent la jeunesse, la musique, le troisième âge, l'éducation, des missions, des activités, des visites, etc. Une église cellule est centrée sur les gens, on pourrait dire un petit groupe, et nous sommes un petit groupe. Le mercredi soir, lorsqu'on se réunit, qu'est-ce qui ressort de nos rencontres, Daniel? Il y a beaucoup d'intimité, il y a beaucoup de spontanéité. Spontanéité, relationnelle aussi, hein? Parce que les gens, on va poser des questions très personnelles, hein? Puis les gens, je suis surpris de voir que les gens sont très à l'aise de dire leur opinion, et puis parfois des opinions contraires, hein? Comme quelqu'un cette semaine, hein, dans le groupe, qui a dit, ben moi, je suis pas d'accord. OK, on ne s'obstine pas, on pense à l'autre, toi. Puis Michel, c'est la même chose avec le groupe du vendredi soir. Hein? Alors, il y a cette spontanéité, cette proximité, il y a des relations qui se cultivent, qui se développe. Il me semble, moi, avec le groupe qui se rencontre le mercredi soir, ben, il y a des gens avec qui je développe une plus grande complicité, parce que, hein, on se rencontre plus souvent, on se voit tous les mercredis, puis j'apprends à les connaître sur un autre angle. Ah! Oh, intéressant! Hein? Il y a quelque chose qui se développe, là. On apprend à connaître les gens sur un autre angle, pas juste le dimanche matin de l'église, que Dieu te bénisse, puis, hein, on se dépêche, mais... OK, on continue la citation. Ceci veut-il dire que l'église traditionnelle ne s'occupe pas des gens? Certainement pas, mais que l'église traditionnelle est organisée autour des programmes. Par conséquent, la structure du programme et non le manque de compassion des dirigeants limite la capacité de l'Église à subvenir aux besoins intimes de beaucoup de ses membres et de ses membres potentiels. Il continue. Cela signifie-t-il que l'Église cellule, ou le petit groupe, n'a pas de musique ou de ministère pour les jeunes ou de programme? Certainement pas. Cela signifie que la structure organisationnelle de l'Église cellule, du petit groupe, est bâtie autour des gens et des relations, et non autour des programmes ou des structures. Que ce qui prime, et Kate le mentionnait tantôt, lorsqu'elle a dit que dans son équipe de volley-ball, qu'elles ont mieux joué sur le terrain parce qu'auparavant, ils avaient eu un temps ensemble, ils avaient développé des relations. Alors, les autres jeunes filles sur le terrain n'étaient plus que des coéquipières, c'était devenu des amis. Il y avait des relations qui se développaient, une complicité, le jeu se faisait davantage, le flow du jeu. Ben, c'est à ça qu'on est appelé, comme communauté. Que, si on a des projets, parce que il va en avoir des projets, puis Michel, c'en est un qui pond des projets toutes les semaines, puis il va y en avoir des projets. Mais ce qui importe le plus, c'est que la vie de la communauté ne se développe pas autour des programmes, autour des projets, mais se développe autour des relations. Comme Daniel et Denise, comme hier soir, vous avez dit, vous avez eu un temps avec Glenn et Sandy. Pourquoi? Pour développer des relations? J'en suis persuadé. Voilà, c'est relationnel. Parce que autrement, si la communauté n'était pas relationnelle, on serait satisfait de simplement se voir le dimanche matin. Mais il faut aller un peu plus loin, par contre. Parce que, comme on a dit, il ne faut pas non plus que nos relations soient sélectives ou exclusives. Mais il faut parfois aussi enjamber, je dirais, les différences. Parfois, ça peut être des différences socio-économiques, des différences politiques, théologiques, comme on a mentionné, des différences par rapport à nos engagements, à enjamber cette différence-là pour établir des relations avec tous les membres de la communauté. Voilà. Dernière diapo. Résumé. La communauté chrétienne en phase la relation permanente physique et matérielle, mais je suis tenté de faire fonctionner des programmes au lieu de développer et nourrir des relations. Alors, voilà pour ce matin. La troisième définition que David donne. Je vous donne un devoir pour dimanche prochain. J'aimerais que vous puissiez réfléchir. Pour le dimanche prochain, là, on va regarder la quatrième définition que David donne de la communauté. Il va dire que la communauté est un cadeau de Dieu. J'aimerais, pendant cette semaine, que vous puissiez réfléchir. Si vous aviez soit à envelopper la communauté sous forme d'un cadeau, à quoi ça aurait l'air? Ou bien non, si vous deviez penser à quelque chose, à un cadeau qui représente la communauté, qu'est-ce que ça serait? Que serait votre cadeau pour la communauté? Qui dit, bien, ça là, ça nous représente. Moi, je sais déjà ce qui représente la communauté pour moi. Je vais le savoir la semaine prochaine. OK? Ça marche?